On va continuer dans l'étude de l'Évangile selon saint Philippe. We will be continue with our study of the Gospel according to Philip. C'est pour voir que si vous dormez Philippians. Ou pas. On va continuer dans l'étude de Philippiens, la lettre de Paul aux Philippiens. Study in the book of Philippians, the epistle by Paul to the Philippians. Vous vous souvenez que c'est l'évangile, la lettre de la joie. You'll remember that this is the letter of joy. Et ce qui est encore toujours surprenant, c'est que, en fait, Paul lui-même n'est pas dans des circonstances joyeuses à vue d'homme. What's surprising is to remember that Paul is not in a joyful circumstance. Il est prisonnier à Rome. He's prisoner in Rome. Son avenir est très incertain. His future is very uncertain. Et pourtant, c'est lui qui va encourager les chrétiens de la ville de Philippe. And however, it's he who is going to encourage the Christians in Philippi. Qui se trouvait en Grèce. It's found in Greece. Près de la région de Thessalonique aujourd'hui. Near to the region of Thessalonica today. Qu'on appelle maintenant Salonique en Macédoine. In the region of Macedoine. Et Macedonia. Il se réjouit parce qu'il connaît le Seigneur. He's rejoicing because he knows the Lord. Il se réjouit parce qu'il a une vision future. He rejoices because he has a vision to the future. Il vit pour le futur. He lives for the future. Et il veut encourager les chrétiens de Philippe. And he wants to encourage the Christians of Philippi. Et à travers eux et à travers les âges, il veut nous encourager aujourd'hui, encore une fois. And through them to us, he wants to encourage us also. À avoir la vraie perspective qu'il faut. To have a true perspective that we need. Celle que nous ne sommes que de passage ici. That we're just passing through here. Et c'est quelque chose qui est difficile pour les gens qui ne croient pas en Dieu. And it's something difficult for people who don't believe in God. Parce que si on ne croit pas en Dieu, s'il n'y a pas de vie après la mort, alors profitons du moment. So, because if there's no life after death, then let's take full advantage of it now. Et c'est très très difficile de faire face aux épreuves. And it's very difficult to face the tests of life. On réalise qu'on peut être anéanti du jour au lendemain. We realize that we can be destroyed today or tomorrow. On n'est jamais sûr que la journée qui a bien commencé va bien se terminer. We're never sure if the day that's beginning is going to end. Et ça peut être un style de vie très très stressant. Can be a lifestyle that's very stressful. C'est souvent un style de vie qui est très vide. It's often an empty lifestyle. Mais aujourd'hui en particulier, nous allons voir comment nous pouvons vivre avec cette perspective du futur. But today we're going to see how we can live with a perspective to the future. On va lire dans Philippiens 3 les versets 17 à 21. On va même lire jusqu'au verset 1 du chapitre 4. We're reading in Philippians 3 17 through 4, to verse 1 of chapter 4. Soyez mes imitateurs, frères. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, frères bien-aimés, que je désire vivement revoir ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Amen. Nous avons dit que Paul n'a pas honte, nous avons déjà parlé du verset 17, Paul n'a pas honte de se poser en exemple. We've already said that Paul is not afraid to present himself as an example in verse 17. Et nous avons dit qu'en tant que chrétiens, nous devrions pouvoir dire, faites ce que je fais. We've already said that as Christians we should be able to say do what I do. Do what I do. Yes. Trop souvent nous avons tendance à dire faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais. Too often we have the habit of saying do what I say not what I do. Et pourtant c'est pas une preuve d'orgueil dans la bouche de Paul. However, it's not a prideful thing from the mouth of Paul. Paul avait conscience qu'il n'était pas parvenu à la perfection. On l'a vu dans les versets précédents. Paul was conscious that he hadn't arrived at perfection. We've seen that in the preceding verses. Mais il y a une cohérence dans sa vie. But there's a coherence in his life. De telle sorte qu'il peut dire, si vous me voyez, vous pouvez faire ce que je fais et vous allez progresser vers le Seigneur, vers le royaume. To the point where he can say, do as I do, and you'll run towards the Lord. Et il indique aussi de porter les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. C'est-à-dire qu'il dit qu'il n'est pas le seul à pouvoir servir de modèle. And he can say to but he's not the only one that can. He's not the only one, and you can copy many of us. Il est conscient qu'il n'est pas le top. He's conscious that he's not the top one, the best one. Et il est content de montrer autour de lui des personnes qui sont dignes d'être des modèles de croyants. He's happy to point out others who are good models of a believer. Son secret, lorsqu'il dit « Soyez mes imitateurs, frères », his secret, when he says « Be imitators, brothers », c'est 1-1-1-1, 4 fois 1. It's 1-1-1-1, it's the thing. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1. Yeah. 1 Corinthians 11:1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même. Be imitators as I myself. De Paul Newman. De Paul Newman. Non, de Christ. No, of Christ. Si nous cherchons à émuler Christ, if we are seeking to emulate Christ, quand il y a des gens autour de nous, when there are people around us, quand il n'y a personne autour de nous, mais Dieu qui nous voit toujours. When there's nobody around us, but God is there certainly. On ne doit pas avoir honte de dire, suis-moi et fais un peu ce que je fais. And we must not be ashamed to say, follow me and do like I do. Peut-être c'est un défi pour cette année qui commence. Perhaps this is a challenge for this year that's beginning. Essayez d'enlever de notre vie tout ce qu'on voudrait enlever avant de se sentir à l'aise de dire suivez-moi. Seek to remove from our lives all that needs to be removed before we say do as I do. C'est très important d'avoir des exemples. It's very important to have examples. Des bons exemples. Good examples. Il n'y a rien de tel qu'un exemple. There's nothing like an example. Pour nous motiver. To motivate us. Si on lit la Bible et qu'on essaye de mettre en pratique tous les préceptes que l'on trouve dans la Bible. If we read the Bible and we try to put into practice all the precepts, principles that we read of in the Bible. Ça risquerait d'être difficile sans des exemples concrets. It's going to be difficult if we don't have concrete examples for us. Encore une fois, aucun exemple ne sera parfait. Once again, no one example is perfect. Mais on peut être encouragé, on peut être éduqué quelque part par de bons exemples. But we want to be encouraged, we want to be educated by good examples or models. Et je sais que je l'ai remarqué, les périodes de forte croissance dans la vie d'un chrétien. I've noticed that times of great growth in a Christian. C'est lorsqu'ils sont dans un environnement où ils ont des modèles, des gens qui les tirent vers le haut. It's when they have when they're in a presence of good examples that pull them to the top. Il y a ce verset dans les Proverbes qui dit que le fer aiguise le fer. There's this verse in Proverbs that says iron sharpens iron. Et lorsqu'il y a une saine émulation, and when there's this holy humility, emulation. On voit un progrès chez la personne, chez les deux personnes en fait. We'll see progress in both people. Et c'est toujours une joie pour moi de voir parmi vous des gens qui commencent à des colloques. It's a joy for me to see among you people who are roommates. Oui, pardon. No, it's okay. Colocataires. Un jeune chrétien avec quelqu'un de plus mûr, et on voit les progrès du jeune chrétien, c'est toujours spectaculaire. A young Christian with an older Christian, and to see the progress that you make, it's spectacular. Qui voit la personne qui lit sa Bible tous les jours, qui prie. We see somebody who reads their Bible each day, who prays regularly. Qui s'implique dans des choses de Dieu. Who's involved with things of God. Et donc les modèles, c'est nécessaire. So models are necessary for us. Et peut-être que vous allez être le seul modèle. And perhaps you are the only model. Pour certaines personnes. For certain people. Vous êtes le seul chrétien qu'ils connaissent. You're the only Christian they know. Est-ce que votre modèle est valable? Is your model authentic? Et si vous avez du mal à vous poser un modèle, sachez que moi-même, je me dis, mais soyez mes imitateurs. Maybe you have a hard time seeing yourself as a model, but know that. C'est pas évident, mais c'est pas normal. It's not easy, but it's good. Il ne s'agit pas de se dire encore une fois de s'enorgueillir qu'on est un modèle. It's not that we're being prideful and saying be a model. Si tu veux connaître le Seigneur, juste suis-moi, fais ce que je fais. If you want to, if you're saying be like me, follow me. Pas d'orgueil, parce que l'orgueil est tout à fait déplacé. Mais d'où l'importance aussi de ne pas vivre sa vie de chrétien tout seul. But it's important to not live our Christian life alone. Et Paul va indiquer qu'en fait, il y a, dans le reste du passage que nous avons lu, qu'il y a des mauvais modèles. Paul's going to indicate that there are bad models. Et puis des bons modèles. And good models. Pensant que vous tirez la conclusion normale de suivre les bons modèles. You'll make the right conclusion. You'll come to the right conclusion in following the right models. Uh-huh. Merci, James. Tu te débrouilles très bien pour le faire à l'improviste comme ça. Débutant. Il parle des mauvais modèles, au verset 18 et 19. He talks in verses 18 and 19 of bad models. Et bien que ce soit l'épître, la lettre de la joie, even if this is the letter of joy, il y a des larmes qui tombent sur son texte. There are tears that fall upon his manuscript. Il dit qu'il en parle en pleurant. He says that he's talking in as he cries. Il pense à ces mauvais modèles. He's thinking of these bad models. Et il dit qu'il marche en ennemi de la croix du Christ. And he says that they're walking as enemies to Christ of Christ. Qu'est-ce que la croix du Christ? What is the cross? What is the cross of Christ? le chrétien. For a Christian. On peut lire quelques passages, on connaît bien sûr We can read several passages that we know. On connaît la croix qui était cet instrument de torture qui a été utilisé pour Jésus-Christ. We know that the cross was an instrument of torture for Christ. Ce symbole que l'on voit dans les pays occidentaux un peu partout dans sur les toits symbol that we des, see in Western countries in everywhere in churches. Que l'on voit autour du cou de Madonna. We see around the neck of Madonna. Et d'autres. And others. Mais quel est le sens But de la croix? But what is the meaning of the cross? Matthieu 10, par exemple. Matthew 10, for example. Verset 38. Verse 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. And he who does not take his cross and follow me is not worthy of me. Pardon. Celui qui aura gagné sa vie la perdra, gardé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. He who has found his life shall lose it, and he who has lost his life for my sake shall find it. Ça, c'est prendre sa croix. That's take your cross. Un passage parallèle dans plusieurs endroits. A parallel passage. Par exemple, Luc 14, 26, 27. Luke, chapitre 14, verset 26. Luke 14, 26 and 27. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. If anyone comes to me and does not hate his own father and mother and his and wife and children and brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be my disciple. Whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple. Romains 6, 6. Romans 6, 6. Nous dit autre chose. Says à something propos de else la croix. About the cross. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Knowing this, that our old self was crucified with him, that our body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. La croix est un instrument aussi de mort de notre vieille nature. The cross is always also an instrument of putting to death of our old nature. Et dans l'épître aux Galates, Paul a un passage très fort. In the epistle of Galatians, Paul has a very strong verse. Où il explique que si nous sommes devenus chrétiens, where he explains that if we have become Christians, alors d'une façon spirituelle qu'on a du mal à comprendre, mais qui est tout aussi réelle que ce pupitre. In a spiritual sense, but that which is just as real as this pulpit. Lorsque nous sommes venus à Christ, nous avons été crucifiés avec lui. When we came to Christ, we have been crucified with him. Il explique dans 2 Galates, Galates 2, pardon, 19 et 20. He explains in Galatians 2, 20. Mm-hmm. On va même lire le verset 19. « En effet, par la loi, moi-même, je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Je suis crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » For through the law, I die to the law, that I might live to God. I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and delivered himself up for me. Être ennemi de la croix, c'est renoncer à soi-même. To be an enemy of the cross. Enemy. To be an enemy of the cross is to abandon oneself. Renoncer à soi-même, ne pas renoncer à soi-même, parce que la croix. Is to not abandon oneself. Si nous venons à Christ, nous devons être transformés. If we come to Christ, we must be transformed. Et nous devons avoir un nouveau référent pour notre vie. And we must have a new reference for our lives. Et c'est ce qu'il continue à décrire dans ce verset. This is what he continues to describe in this verse. Pourquoi est-ce qu'il pleure d'abord pour eux? Why is he crying for them? Je crois que sincèrement il pleure pour ces hommes, ces femmes. I believe sincerely he's crying for these people, these men and women. C'est intéressant si vous lisez les commentaires pour savoir qui exactement étaient ces ennemis de la croix. It's interesting if you read commentaries about who were the enemies of the cross. Il y a au moins 3 ou 4 théories. There's at least 2 or 3 theories. Des choses qu'on ne sait pas parce qu'elles ne sont pas révélées. We don't know because they're not actually revealed to us. Mais il y a des choses dans ce passage qui sont clairement décrites. But there are things in this passage that are clearly described for us. Juste pour votre curiosité, si ça vous intéresse, certains pensent que ça pouvait être peut-être des judaïsants. Just for your curiosity, people think that it might be the Judaizers. C'est-à-dire des chrétiens qui pensaient qu'il fallait venir à Christ tout en gardant les rites de la religion juive et notamment en appliquant la loi à la lettre. These would be people who thought that in coming to Christ you still had to keep the Jewish law to the letter. Alors que le message de Paul c'est qu'on n'est pas sauvé par la loi mais par la foi. However, the message of Paul is that we're saved by faith. La loi, les 10 commandements, c'est pas, et tous ceux qui suivent dans l'Ancien Testament, il y en avait 623, c'est pas pour qu'on se transforme soi-même. The 10 commandments and the 600 and some other laws in the Old Testament aren't for being self-transformed. C'est pour nous montrer qu'on ne peut pas y arriver tout seul. It's to show us that we can't make it on our own. Dieu nous donne la norme. God is giving us a standard. Et nous essayons d'y arriver tout seul. And we're trying to make it on our own. Et on essaye. Try. Et Jacques dit dans son épître que si on arrivait à suivre parfaitement toutes ces lois, toute notre vie, mais une seule fois, on est un petit péché d'orgueil. And James, in his epistle, says that if we try all our lives to keep these laws, but just once, we have a prideful failure. Une mauvaise pensée, une mauvaise réaction. A bad action. Alors là, tout est perdu. Everything is lost. C'est parfait. Perfect is perfect. C'est pour ça que Jésus disait, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. That's why Jesus said, be perfect as your heavenly Father is perfect. C'est pour nous montrer que on va dire, mais je peux pas tout seul. It's to show us that we can't do it on our own. Un mur blanc, parfaitement blanc. A wall that's white, perfectly white. Dès qu'il y a la moindre petite mouche dessus, il est plus blanc. As soon as there's just one little speck, a little fly on it, it's not white anymore. Et ceux qui essayent de venir à Dieu par leur propre justice, en pensant qu'ils vont réussir à respecter complètement la loi et des préceptes, ils se trompent eux-mêmes peut-être, mais ils essayent de tromper les autres, mais ils ne peuvent pas, c'est impossible, c'est ce que nous dit la Bible. So the person who thinks that they can make it on their own, that they can do it, justify themselves on their own, they're mistaken, they can't do it on their own. Et encore une fois, il y a que la foi en Christ qui nous sauve, pas la foi en Christ plus les bonnes actions. One more time, it's just faith in Christ that can save us, not faith plus our actions. Le même Jacques dit que si nous avons la vraie foi en nous, alors les bonnes actions vont être automatiques. And if we have faith, then the works will be automatic. They'll come. Mais on ne peut pas essayer l'inverse. But we can't expect the opposite. works than ça, c'est une première hypothèse. C'était ceux qui essayaient de remettre la loi au goût du jour. This is the first theory of who these people are, is that those who tried to put the law first above faith. Les autres, c'est ce que certains appellent les libertins. A second theory is those who were called the libertarians. Il y avait une vieille doctrine, le gnosticisme. There is an old doctrine of Gnosticism. Qui indiquait que la matière et l'esprit étaient complètement séparés. That said that the material and the spirit worlds were totally separated. Et que peu importait ce qu'on faisait, que la matière était aussi complètement mauvaise. It said that whatever we did, the material world was evil. Et le spirituel était, c'est ça qu'on cultivait. And the spiritual was the top. Et leur conclusion, c'était qu'en fait, on pouvait faire n'importe quoi dans le domaine matériel du moment qu'on était spirituel. So the conclusion was that you could do whatever you wanted in the material world as long as our spiritual world was in shape. Et ça avait conduit certains qui venaient à Christ de dire, mais si Dieu nous donne sa grâce, nous pardonne, alors on peut faire n'importe quoi. So this led some people to say that when we're in Christ, we can in the material we can do whatever we want. Certains se posent la question, est-ce qu'il parlait de croyants ou de non-croyants? Some have asked, is he speaking about believers or unbelievers? Pour les non-croyants, c'est évident qu'ils ne vont pas vivre comme il faut pour le Seigneur. For non-believers, it's clear that they wouldn't be living for the Lord. Et ma conclusion, c'est qu'en fait, il parlait de croyants qui ne vivaient pas par la foi. So my conclusion is that he's talking about people here who are believers that weren't living by faith. Et qui vivaient en se disant, la grâce de Dieu va me pardonner de tous mes péchés, donc je peux y aller plein pot. So he's saying here, these are Christians who are saying, it doesn't matter what I do, I can just go ahead and do as much as I like. Et ça le fait pleurer. And this is making him weep. Je crois aussi que pour eux, pour ces personnes, and I believe for these people, mais aussi pour le danger que ça représente pour ces chrétiens de Philippe. And he's weeping for these people as well as for the Philippian believers. Il a une âme de pasteur. He's got a pastor's heart. Et lorsque on est responsable d'un troupeau, d'un groupe, and when we're responsible for a flock, on a un souci pour leur santé spirituelle. We have a concern for their spiritual health. Le berger se fait du souci pour ce que mangent ses brebis. The shepherd is worried about what his sheep are eating. Et moi-même, il y a des fois où quand je sais que peut-être vous faites telle ou telle chose ou que lisez un tel livre, je prie que ce livre que je ne recommanderais pas, soit je vous parle, soit je prie si vous insistez, pour que vous adoptiez pas les points de vue erronés de l'auteur. So when I know that you're, for example, reading a book that I wouldn't recommend, I pray that you won't be taken in by it. And if I have to, I talk to you. Vous ne m'appartenez pas. You don't belong to me. Vous appartenez au Seigneur. You belong to Christ. Mais je suis en tant que berger, j'ai ce sentiment de responsabilité de savoir quel genre de source spirituelle vous mangez. You belong to Christ, but I'm your shepherd and I have this concern for what you're eating. Et ça ne veut pas dire que c'est un état policier. I'm not saying this is a police state. Mais ça veut dire que je prie et je me fais du souci pour que vous ne mangiez pas des mauvaises choses. Yeah. But it means that I pray and I'm concerned that you're not eating bad food spiritually. Il en parle en pleurant en disant leur faim c'est la perdition, leur dieu c'est leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. And when he talks about weeping, he's talking about the destruction that's of The God is their appetite. Pardon, verse 19. Yeah. Whose end is destruction, whose God is their appetite, and whose glory is in their shame, who set their minds on earthly things. This is who he's weeping for. Il dit, leur fin, c'est la destruction. He says, their end is their destruction. Ils ne vivront pas pour l'éternité avec Dieu. They won't live for eternity with God. Et dans ce mot de perdition, qui est le même mot qu'utilisé pour Judas, qui était le fils de perdition, and this word, destruction, is the same word used for Judas, the son of destruction. Il y a cette idée de terrible gâchis. There's this idea of a terrible waste. Waste. De choses qui ne devraient pas se passer. Things that shouldn't happen. C'est vraiment tellement triste de voir ça. It's so sad to see this happen. Donc nous, on peut pas savoir exactement qui sont ces gens, mais on peut voir la façon dont ils vivent. We don't know who these people are, but we can see how they're living. Leur dieu, c'est leur ventre. Their god is their stomach. Est-ce que ça veut dire que ce sont seulement des gens obèses? Does this mean that these are just obese people? Non, en fait. Il veut dire que ce sont des gens qui vivent pour leurs appétits humains. No, he's talking about these are people that are living for their human appetites. Encore une fois, Paul était quelqu'un de très intelligent et aussi de très cultivé. Once again, Paul was somebody who was very intelligent and very cultured. Et c'est pas moi qui ai trouvé ça, mais les experts pensent qu'en fait, il s'inspire d'une citation d'Euripide. So it's not him who's found this, but the experts in the word have believe he's quoting from a philosopher. Où il est dit, mes troupeaux, je ne sacrifie pour personne d'autre que moi-même. My flocks. Go ahead. I don't sacrifice for anyone else but myself. Yes. Pas aux dieux, mais à mon ventre. Not for God, but my stomach. Qui est le plus grand des dieux. Who is the greatest God. Car manger, to eat, boire chaque jour et s'épargner tout souci, c'est le dieu des hommes sages. To drink, and to avoid any worry. I need to see it. Oui, it's the God of the wise man. Yeah. Et ça, c'est un peu la philosophie d'aujourd'hui. It's a bit of today's philosophy. Peu importe les autres, peu importe ce qui se passe autour de moi, du moment que j'ai de quoi manger, de quoi boire, un toit sur la tête, et que j'ai pas trop de soucis. It doesn't matter as long as I have enough to eat, if I have a place to sleep and a roof over my head, that's all I need, and who cares about everybody else? Est-ce que nous vivons seulement pour notre ventre? Are you living only for your stomach? Pas seulement la nourriture, les appétits sexuels. Sexual appetites. Est-ce que le physique c'est la chose la plus importante? Is the physical the most important for you? Aujourd'hui, le ventre, le dieu ventre, ça peut être ceux qui veulent manger toujours plus. Today, the god of stomach could be to eat more and more. Ou bien ça peut même être ceux qui veulent faire le régime et muscler leurs abdos. To diet and to build the six pack. Voilà, avoir les plaquettes de chocolat, comme on dit en français. Pour le to have, to have the chocolate squares, that's the French expression. Uh-huh. Six pack in English. Donc, ils vivent pour leurs appétits terrestres, leurs appétits They're humains. Living for their earthly appetites. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. They put glory in what is that's, shameful. That's the verse, I'm sorry. 19. Mm-hmm. Okay. And whose glory is in their shame. C'est-à-dire qu'il y a des choses dont ils ne devraient pas se vanter, dont ils se vantent. Ils sont heureux de s'exalter eux-mêmes. So this means they're glorifying them in things that they shouldn't glorify in, and exalt themselves in things that aren't worthy. Ils se vantent de choses qu'ils n'ont pas créées. They're glorying in things that they haven't made. Qu'ils ont simplement reçues. That they've just received. Que ce soit leur beauté. Their beauty. Leur intelligence. Their intelligence. Leur force physique. Their physical strength. Toutes ces choses-là, ils veulent que la gloire ce soit pour eux. All these things, they want that the glory of these things be for them. Et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. And they're just thinking of things of this earth. C'est intéressant quand on fait les sondages et qu'on utilise des questionnaires pour. It's interesting when we do a questionnaire or a poll. Pour voir ce que pensent les gens. To see what people think. Et en fait, la plupart des gens, c'est je me soucie de cette vie présente. In fact, people worry about this present life. Et parce qu'il n'y a plus rien après. Because there's nothing afterwards. Et si on leur demande, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a rien après? And if you ask, are you sure there's nothing afterwards? On ne peut jamais être sûr. We can't be sure. Et c'est toujours ce qui m'a surpris, c'est que dans notre société occidentale, on fait tout pour jusqu'à la retraite. It surprises me always that we do everything to get to retirement. Travaille dur à l'école. We work hard at travail, school. Work for a job. On cherche une compagnie. On cherche des avantages sociaux. A good social structure. Et puis on cherche surtout à avoir enfin la paix de la retraite. Avec un peu d'argent pour pas avoir à faire de soucis. In the end, we're seeking a peaceful retirement with no worries. Et après? And after. Oh. It's all gone. On verra bien. We'll see what happens. Ça, c'est la philosophie matérialiste. It's the materialistic philosophy. Les choses terrestres, ce sont des choses temporelles. Earthly things are temporary. Ça va pas durer. It won't last. Tous on a conscience du temps qui passe. We all have a consciousness of how time is passing. Et que j'aime bien le rappeler, ça passe, et puis les années passent, et puis 100 ans, 120 ans, on va probablement pas dépasser ça. As time passes, and we're not going to get past 100 years. Et soit il n'y a rien après, alors à ce moment-là, c'est ridicule d'attendre la retraite pour profiter de la vie. So either there's nothing left and it's ridiculous to even worry about the retirement. Vivons à fond la caisse. Let's live fully for today. En mourant à 20 ans. And dying at 20 years old. Go for the gusto. Ou alors il y a quelque chose après, il serait sage d'y réfléchir. Or there's something afterwards and it would be wise to think about it. Donc ces gens, on peut les voir, ils sont, leur priorité, c'est leurs appétits. We can see that these people, their desires, their appetite. Leur gloire, leur réputation. Their personal glory, their personal reputation. Ils veulent être célèbres. They want to be celebrities. Tout ce qui les concerne, c'est la terre. All they're conscious of is the earth. J'ai entendu une fois le pasteur John Corson. I heard a pastor say qu'il a un chien. That he had a dog. Qui est sympa mais qui est bête comme ça. That was really nice but really stupid. Et que quand il lui prépare à manger. When the pastor prepared food. Il prépare un bon petit plat, même de la viande saignante coupée dans un coin, dans un petit pot. Nice little plate of food with some nice meat in a corner. Puis il appelle son chien et lui dit, allez, Médor, viens. So he'd say to his dog, go outside. Viens, come to your food. Come to your food. Come to your food. Mais le chien, lui, il ne voit que l'index. Yes, all he sees is the finger. Et il saute sur l'index. And he's jumping at the finger. Il le lèche. Il est tout content. He's happy. He's excited. Et puis, il a rien compris. And he doesn't understand. Go for the food. Il y a tout un futur de félicité dans ce bol de viande. Yeah, there's just this fabulous meal there in front of him, delicious. C'est un proverbe chinois dit la même chose, peut-être. Chinese proverb says the same thing. Oh no. Quand le sage montre la lune. When the wise man shows the moon. L'imbécile regarde le doigt. The imbecile looks at the finger. Et ce pasteur expliquait qu'en fait, cette vie, tout ce qui est beau dans cette vie, ce ne sont que des pointeurs, des index tendus vers ce qui nous attend. This pastor, what he was explaining was that everything that's beautiful here is just the pointer towards something else. On voit un beau coucher de soleil. We see a beautiful sunset. Des dégradés de couleurs merveilleux. A beautiful color display. Et on se dit, ah, si seulement je pouvais arrêter le temps. Oh, if I only could stop time. Je veux me plonger dans le moment. I dive into the moment. C'est merveilleux. It's marvelous. Ce pasteur dit, on est en train de lécher l'index. We need to. When we do that, we're licking. When we do that, we're licking the finger. On voit une œuvre d'art. We see a work of art. On écoute une symphonie qui nous transporte. We listen to a symphony that transports us. Et on voudrait arrêter le temps. We'd love to stop time. Et quand on fait ça, en fait, on est simplement des renifleurs d'index. So when we do that, we're just sniffing the finger. Au lieu d'être des citoyens du ciel. Instead of being citizens of heaven. La Côte d'Azur, c'est très beau. The Riviera is beautiful. Avant qu'on massacre avec le on la massacre avec le béton. Before we destroyed it with cement. Mais c'est pas un but en soi. But it's not a goal in its own. Ce n'est qu'un index. It's only a pointer towards God. Vers le ciel. Towards heaven. Et c'est ce qu'il il dit au verset 20, pour nous notre cité est dans les cieux. And this is what he's saying in verse 20, for our citizenship is in heaven. De là nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Je vais y arriver. For our citizenship is in heaven, from which also we eagerly wait for a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform the body of our humble state into conformity with the body of his glory by the exertion of the power that he has even to subject all things to himself. Encore une fois, Paul savait connecter avec son auditoire. Once again, Paul knew how to connect with his audience. Il savait que Philippe c'était une ville qui était située loin de Rome. He knew that Philippi was situated a long ways from Rome. Mais c'était une ville romaine, c'était une colonie romaine. But it was a Roman city, it was a Roman colony. C'était une cité qui avait été commencée par les soldats, les vétérans de l'armée romaine. It was a city that had been begun by veterans of the Roman army. Qui étaient au départ des gens étrangers. Who were in the beginning foreigners. Mais après 21 ans dans l'armée romaine, ils avaient le droit d'accéder à la citoyenneté romaine et de vivre là où ils étaient. After 21 years, they were able to become citizens of Rome and live there. Et donc, ils savent ce que c'est que d'appartenir à Rome en vivant ailleurs. So these people knew what it meant to belong to Rome but to live elsewhere. Et Dieu nous dit par ses paroles que nous aussi nous sommes une colonie du ciel. And God's saying that we also we are a heavenly colony. On est une bande d'aliens. We are aliens. Si on est chrétien, on n'appartient pas à cette terre. If we're Christians, we don't belong to this earth. Et à son système de valeurs. And to have its values. Pour beaucoup, vous savez ce que c'est que d'être étranger. For many of you, you know what it means to be a foreigner. Il y en a combien qui ne sont pas de citoyenneté française? How many are not French citizens here? N'ayez pas honte, c'est pas, on va pas vous retourner. Don't be afraid. On va rien dire. We're not gonna copy your names down. Vous savez qu'on vous remarque. You know that we notice you. Et le désir, c'est d'être de moins en moins remarqué, remarquable. Our desire is to be less and less noticed. Des fois, vous pouvez être habillé comme il faut. Sometimes you can be dressed like you should. Mais dès que vous ouvrez la bouche, on vous demande « Ah, d'où vous venez ?» As soon as we open our mouths, people say « Oh, where do you come from ?» Moi-même, j'ai été étranger. J'ai vécu 15 ans à Seattle. Himself, he's been a foreigner. He lived 15 years in Seattle. Et à la fin, je pensais que j'étais vraiment devenu comme un habitant de Seattle. And in the end, he thought he had really become someone from Seattle. Parce que les gens que je fréquentais s'habituaient à moi et à mon accent. Because the people that he spent time with had gotten used to his accent. Mais si je rencontrais une nouvelle personne, par exemple dans l'ascenseur. But if I met a new person, for example, in the elevator. Et qu'on me demandait what floor? And he'd ask what floor? Quel étage? Je répondais en anglais, second floor. And he'd ask what floor, and he'd answer second floor. Oh, d'où vous venez? Oh, where do you come from? Oh, c'est tout était à recommencer. Oh, we had to start all over again. Et en tant que citoyen du ciel, and as a citizen of heaven, on devrait nous remarquer. We should be noticed. On ne devrait pas être comme tout le monde. We don't want to be like everybody else. On ne devrait pas se fondre dans la foule. We don't want to melt into the crowd, even if it would be nice to sometimes. Notre cité, elle est dans les cieux. Our city is in heaven. Notre citoyenneté, elle est divine, elle est our céleste. Our citizenship is divine, it's heavenly. Et donc maintenant, Paul va contraster les mauvais exemples avec les bons exemples. So Paul's going to contrast the bad example with a good example. Avec lui et tous ses amis chrétiens. With et him, tous les chrétiens. All his friends, his Christian friends. Mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on attend comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. But what do we do to be flavor? Pardon. Say your sentence again, please. J'ai oublié ma phrase. C'est pas grave. How do we have a heavenly? Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? What are we doing here? Sorry. On réalise qu'on n'est pas de ce monde. We realize that we're not of this world. On n'a pas les mêmes intérêts. We don't have the same interests. On n'a pas les mêmes désirs. We don't have the same desires. On ne se sent pas supérieur, on se sent béni d'avoir une autre citoyenneté. We don't feel superior, we feel blessed to have another citizenship. Et on veut accorder aux autres la possibilité de devenir aussi des citoyens du ciel. And we want to give others the opportunity to become citizens of heaven. Un enseignement trop souvent négligé, c'est le retour du Christ. A teaching that's often neglected is about the return of Christ. Nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. We wait for him as our savior, Lord Jesus Christ. On n'a pas le temps de lire des passages qui corroborent qui vérifient cet enseignement. We don't have time to read all the passages that support this teaching. Mais on n'attend pas la grande tribulation. But we don't wait for the great tribulation. Notre position, ma position, je sais qu'il y en a d'autres, mais pour moi, elles n'ont aucun sens. C'est que on attend que l'enlèvement de l'Église. The rapture of the church. Yeah. There's other teachings about the rapture. À n'importe quel moment, Jésus peut revenir. At any moment, Christ can return. Et il nous enseigne, Paul nous enseigne dans Thessaloniciens et d'autres passages. And in Thessalonians and other passages we're taught que les chrétiens vont être enlevés au ciel pour être avec Jésus-Christ. But and that Christians will be taken away to be with Christ. Et que ensuite arrivera la période de la grande tribulation. And following that, there will be the period of the great tribulation. Et le retour de Christ qui viendra régner sur la terre. And then the return of Christ to reign upon the earth. Il va transformer nos corps humiliés. He will transform our humble bodies. En le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Transform the body of our humble state into conformity with the body of his glory. Cette semaine, il y a eu deux exploits. This week there are two events. Yeah. Un Suisse a traversé la Manche. A Swiss crossed the channel avec une aile et des moteurs à réaction suspendus à l'aile. With a wing and a motor. C'est fantastique ça. It's amazing. Il est allé jusqu'à 180 km à l'heure. He went to 180 kilometers per hour. Ça va vite ça. Oh yeah, that's a guy flying on his own, yeah, with the power pack on his back. Il est fou. Moi, je trouve qu'il est génial. Yeah, j'aurais envie de faire cool, ça. It's cool, but it's crazy. C'est très dangereux. It's very dangerous. You can see it on the internet. Et puis, il y a eu un Chinois qui a marché dans l'espace. And there was a Chinese man who walked in space. Et dans les deux cas, vous avez remarqué qu'ils n'étaient pas en maillot de bain. And in both cases, you'll notice that they weren't in a bathing suit. Ils avaient un scaphandre ou une combinaison de protection. And they both had a suit, a protective suit. Et Dieu va devoir nous donner un nouveau costume. And God's going to have to give us a new suit. Semblable à son corps glorieux, au corps qu'il a eu après qu'il fut ressuscité. Similar to Jesus's body when he was resurrected. Et de là, nous pouvons attendre un jour, nous aurons un corps qui ne vieillira plus. And at that point, we can await a body that will never get old. On pourrait continuer. Il y a des passages qui peuvent nous montrer ce qu'on peut attendre. There's passages that tell us about what will be. Je suis toujours en train de lire ce livre sur le ciel, Heaven, un gros livre comme ça. I'm reading a book about heaven. Et il y a des choses qui sont toujours des suppositions, mais il y a plein de choses qu'on peut savoir déjà. And there's things that are suppositions, but there are things that we can know. Et nous, en tant que colonie, on sait qu'un jour on va retourner à la maison. And as a colony, we know that one day we're going to get to heaven. Et une autre chose qu'il ajoute, c'est que Dieu va pouvoir nous transformer ainsi, nous donner un corps glorieux comme son corps qui pouvait passer à travers les murs. And we know that God will give us a glorified body. On va pouvoir faire ces voyages intersidéraux ou inter. We're going to have fabulous voyages across the universe. Mais nous pouvons sérieusement nous attendre à ça. But we can seriously await that. C'est vrai, quand on a mal au dos, ça nous fait souffrir. Mais un so jour, when we have a sore back, we hurt. But one day, on aura ces corps glorieux. But one day we'll have a glorified body. Je me demande toujours quel âge aura ce corps. I always wonder how old that body will be. On se retrouve à l'âge de 75 ans. We'll be 75. Ou bien un an. One year old. C'est pas, vous n'avez pas de souci à vous faire. Vous pouvez faire confiance à Dieu. Don't worry about it. You can trust God. Il y a un endroit auquel vous appartenez, et c'est là que vous allez aller. There's a place where you belong, and that's where you're going. Et il rappelle que Dieu a le pouvoir efficace, c'est-à-dire réel, de s'assujettir toutes choses. He reminds us that God has the power to subject all things to himself. Et le mot assujettir, c'est soumettre. And the word subject is to submit. Dieu a le pouvoir de s'assujettir, de soumettre toutes choses. God has the power to submit all things. Il nous invite à avoir une vision future, mais là, c'est quelque chose qui s'applique au présent. He's talking about having a vision to the future, but this is a present thing as well. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne pensez plus pouvoir changer dans votre vie? Are there things that you think you can't change in your life? Des situations. Situations. Des péchés habituels dont vous ne pouvez pas vous défaire. Sins that you think you can't undo. Des addictions. Addictions. Dieu a le pouvoir efficace de vous libérer de ces choses. God has the power to change these things. Et donc il termine, c'est pourquoi frères bien-aimés, so he finishes, therefore my beloved brethren, je désire vivement vous revoir. Whom I long to see. C'est une lettre très personnelle. It's very personal. Paul aurait eu un Facebook de 50 000 personnes. Paul would have had a 5 million friends in his Facebook. Il s'intéressait aux gens, il les aimait. He was interested in people, he loved them. Il les appelle sa joie. La joie dont il parle ici, c'est vous. He calls them my joy. This is you. Il dit aussi c'est sa couronne. And my crown. C'est la couronne pas de l'empereur mais la couronne du vainqueur de la course. This isn't the crown of the emperor, this is the crown of the champion of the games. Il les invite à demeurer fermes dans le Seigneur. Be steadfast in the Lord. He said, stand firm in the Lord. Et c'est ce qu'il nous dit aussi. And this is what he's telling us too. Arrêtons de renifler l'index. Stop sniffing at the finger. Regardons le ciel. Look at heaven. Certains disent, oui, les chrétiens, c'est bien, ils pensent tellement au ciel qu'ils font rien sur terre. Some people say, yeah, it's great Christians, they think a lot about heaven, but they don't do anything here. Je crois que c'est pas ceux qui pensent vraiment au ciel qui font ça. I don't think it's those who are truly thinking about heaven. Ceux qui pensent vraiment au ciel, c'est ceux qui vont faire le plus de bien autour d'eux. Those who think truly about heaven are going to do the most good around them. Et le meilleur exemple de la personne. The best example is the person. Tournée vers le ciel. Looking towards heaven. C'est Jésus-Christ. Is Jesus Christ. Est-ce qu'il y a une autre personne qui a fait autant de bien pour la terre? Is there anyone else who did as much good as he did? Prions. Let's pray. Seigneur, merci pour ce passage de ta parole qui nous rappelle que nous ne sommes pas citoyens d'ici-bas. Tu as toute une éternité de félicité, de but dans nos vies. Tu as mis ça dans nos vies, Seigneur. Nous te remercions. Et Seigneur, tu nous connais. Intimement, tu connais nos cœurs. Seigneur, je te demande de purifier nos cœurs. Tu dis que celui qui a cette espérance en lui se purifie. Apprends-nous vraiment à vivre dans l'attente de ton retour. De savoir qu'à n'importe quel moment, comme un voleur qui ne prévient pas de son arrivée, tu vas revenir chercher ton Église. Purifie-nous, Seigneur, et aide-nous à vivre les yeux tournés vers toi, vers le futur. Et Seigneur, dans le même temps, lorsque nous avons ces yeux vers le futur, Seigneur, nous voulons faire du bien autour de nous. Nous voulons donner cette vision à tous ceux qui sont désespérés parce qu'ils n'ont aucune vision pour le futur, après la retraite et la mort. Seigneur, que ta parole nous transforme. Tu nous promets qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet. C'est notre prière, Seigneur, que cette vision, ce désir de que nos vies puissent être des modèles, pas parfaits, mais des modèles qui encouragent les autres, deviennent une réalité dans nos vies. Seigneur, nous te demandons ces choses par le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.